En Occident, c'est les paparazzi. En Afrique, c'est les papas, on dit. On dit toujours. Guyana, à force de reculer, ils vont tomber dans le trou. Moi, je suis devant nous. Nous, derrière du coup, à côté du coup, ça nous intéresse pas. On est devant. Moi, je suis devant nous. Eric Coco, Claude Dassé, les hommes les plus poursuivis de la terre. Moi, je suis.